chant numéro 25. Puis, ayant terminé son discours, ce voleur leva les poings au ciel et fit des deux la figue, en s'écriant « Tiens, Dieu, vois ici mon hommage !» Ce n'est que depuis lors que j'aime les serpents, car l'un d'eux vint soudain s'enrouler à son cou, comme voulant lui dire « Il est temps de te taire !» Un autre enveloppait étroitement ses bras, formant autour du corps un nœud si bien serré qu'en vain eût-il voulu faire un seul mouvement. Pistoia, Pistoia, quand décideras-tu de te réduire en cendres et de t'anéantir, puisque de tes aïeux tu surpasses les crimes? Dans les sombres girons les plus bas de l'enfer, je n'ai pas rencontré d'ombre plus arrogante, même en comptant celui qui s'effondra sous Thèbes. Il prit alors la fuite et ne dit plus un mot. Mais je vis aussitôt un centaure rageur qui venait en criant « Où donc est-ce, rebelle ?» La Maremme, je crois, ne saurait contenir des couleuvres autant qu'il emportait lui-même de la croupe à l'endroit où commencent nos lèvres. À cheval sur l'échinée et derrière la nuque se tenait un dragon aux ailes déployées, et tout ce qu'il touchait se réduisait en cendres. Mon maître m'expliqua. « Voici venir Cacus, qui fit souvent couler une mare de sang au-dessous du rocher du vieux mont Aventin. Il ne suit pas ici le chemin de ses frères, à cause du troupeau qu'il avait près de lui et que sournoisement il prétendit voler. Ce fut alors qu'Hercule, armé de sa massue, mit fin à ses méfaits, lui assenant 100 coups, 90 desquels étaient bien superflus. Le monstre disparut pendant que nous causions. Trois âmes cependant s'arrêtèrent en bas, sans que mon guide et moi les eussions observées, et crièrent vers nous. « Dites-nous qui vous êtes !» Le cours de notre histoire alors fut oublié pour observer de près les nouveaux arrivants. Je n'en reconnaissais aucun, mais il advint ce qui souvent arrive en d'autres cas pareils, qui fut que par hasard l'un dit le nom de l'autre en voulant demander « Où peut rester Tchamfa ?» Je mis, en l'entendant, un doigt devant ma bouche pour prier mon seigneur d'attendre sans parler. Lecteur, je ne serais nullement étonné si tu ne croyais pas ce que je vais conter, puisque moi, qui l'ai vu, j'ai du mal à l'admettre. Pendant que du regard je les guettais ainsi, un dragon à 6 pieds surgit soudain, qui vint se jeter sur l'un d'eux, s'enroulant à son corps. De ses pieds du milieu lui ceinturant le ventre, il le saisit au bras avec ceux du devant, mordant à pleines dents dans l'une et l'autre joue. Des pattes de derrière, il le saisit au rein, et lui faisant passer sa queue entre les cuisses, on la vit ressortir et pointer sur son flanc. Le lierre ne saurait s'accrocher à son arbre plus que ne le faisait cet horrible animal, s'entortillant au corps de l'autre avec ses membres. Il se collait enfin comme le fait la cire que l'on vient de chauffer, mélangeant leurs couleurs, en sorte qu'aucun d'eux n'était celui d'avant. Comme on l'aperçoit lorsqu'on brûle un papier, courir devant la flamme une frange brunâtre qui noircit aussitôt, tandis que meurt le blanc. Les autres à côté regardaient en criant. « Hélas, Agnel, hélas, que te voilà changé ! Regarde, en cet instant tu n'es ni deux ni seul. » Leurs deux têtes bientôt n'en formèrent plus qu'une, et je vis confondus sous une seule face les visages mêlés de ces deux malheureux. On vit deux bras sortir de leurs 4 appendices, les flancs avec le tronc, les jambes et le ventre devenaient tour à tour des membres jamais vus. Tous ceux qui rappelaient leur première figure me semblaient s'effacer, et cette horrible image de deux et de personnes avançait lentement. Comme sous le fléau des jours caniculaires, le lézard court parfois pour changer de hallier, traversant le chemin plus vite que l'éclair, tel je vis tout à coup monter vers la bedaine des deux infortunés un serpent courroucé, petit, livide et noir comme un grain de piment. Il va mordre l'un d'eux tout près de cet endroit par où nous recevons le premier aliment, puis il tomba par terre, étalé sous ses pieds. Le mordu le voyait, mais ne pouvait rien dire, et raidi sur ses pieds, ne faisait que bâiller, comme pris par la fièvre ou comme ayant sommeil. Lui-même et le serpent, ils s'entre-regardaient, et, l'un par sa blessure et l'autre par sa bouche, ils soufflaient deux vapeurs qui se mêlaient dans l'air. Que désormais Lucain ne vante plus l'histoire du pauvre Sabellus ou de Nasidius, mais qu'il vienne plutôt écouter mon récit. Le comte d'Arétus et Cadmus, dans Ovide, rapporte, je sais bien, qu'ils devinrent serpents et fontaines. Et pourtant je n'en suis point jaloux, puisqu'il ne mêle, lui, jamais les deux natures présentes à la fois, en surprenant les formes au moment d'échanger entre elles leur substance. Or, quant à ces deux-ci, tel était leur accord que, pendant que fourchait de ce dragon la queue, les deux pieds du blessé se fondaient en un seul. Les cuisses et les flancs paraissaient se souder et se continuaient si bien qu'en un instant on n'eût su distinguer l'endroit de leur jointure. La queue, en même temps, prenait chez l'un la forme qui se perdait chez l'autre, et la peau devenait plus souple d'un côté, plus rugueuse de l'autre. Puis je vis les deux bras rentrer sous les aisselles et s'allonger les pieds trop courts de ce dragon, exactement d'autant qu'il décroissait chez l'autre. Les pattes de derrière, en se nouant ensemble, produisirent enfin le membre que l'on cache, et l'autre vit le sien qui se fendait en deux. Pendant que la vapeur qui les enveloppait de nouvelles couleurs fournissait à l'un d'eux les cheveux qu'elle était en train de prendre à l'autre, l'un se dressait debout, l'autre s'aplatissait, toujours sans détourner les malheureux regards sous l'empire desquels il changeait de museau. L'un qui restait debout retirait vers les tempes, et l'excès de matière, en s'y réunissant, à son visage lisse ajouta deux oreilles. Ce qui ne s'était pas retiré vers l'arrière forma de son surplus le nez de cette face, et épaissit la lèvre autant qu'il le fallait. Et le tombé pointa son visage en avant, et l'oreille rentra sous la peau de la tête, comme chez l'escargot se cachent les deux cornes. Enfin, sa langue unie et qui savait parler se fendit, et devint une et lisse chez l'autre, qu'il l'eut d'abord fourchue, et les vapeurs cessèrent. À ce moment, l'esprit déjà devenu bête prit la fuite en sifflant le long de la vallée, pendant qu'en le suivant, l'autre crachait des mots. Il lui tourna bientôt son dos tout neuf, et dit au troisième. À présent c'est le tour de Boiso, qu'il court en se tramant comme moi sur la route. Voilà comment j'ai vu cette septième lie muée et transmuée. La nouveauté du thème suffit pour m'excuser si je le compte mal. Et bien que mes esprits fussent en ce moment obscurcis et surpris autant que mon regard, ils ne purent s'enfuir sans que je reconnaisse Puccio Sciancato, le seul jusqu'à présent qui, des trois compagnons que nous vîmes d'abord, restait en son entier, sans changement. Et l'autre, Gaville, était celui qui t'a fait tant pleurer.